Ceci est un audio généré issu de l'article Machine à voter aux USA, failles réelles, scandale, procès, ce que les archives et experts disent vraiment, disponible sur le site conspiract.com. Les sources utilisées sont disponibles sur le site. Bonne écoute à vous. Aux États-Unis, les machines à voter sont devenues presque des personnages à part entière des élections. On les accuse de tous les maux, on les défend bec et ongle, on en parle dans des documentaires et dans des threads sans fin. Entre les tweets enflammés et les déclarations officielles rassurantes, il devient difficile de savoir ce qui relève du fantasme et ce qui s'appuie sur des preuves. Pourtant, derrière tout ce bruit, il existe un socle très concret, des rapports techniques, des avis d'agences fédérales, des témoignages d'experts en sécurité, des décisions de justice et des accords à plusieurs centaines de millions de dollars. Ces documents racontent une histoire beaucoup plus nuancée que le simple « tout est truqué » ou « tout est parfait ». À chaque grande élection américaine, le scénario se répète. Certains crient à la fraude à grande échelle. D'autres jurent que le système fonctionne sans problème. Et au milieu, les machines à voter deviennent l'objet de toutes les projections. Il faut dire que ces machines combinent deux éléments explosifs, de la technologie opaque et des enjeux politiques énormes. Pour beaucoup de citoyens, une machine qui compte des voix ressemble à une boîte noire. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. On doit faire confiance. En période de polarisation extrême, cette confiance se fissure très vite. Les soupçons ne tombent pas du ciel. Depuis le début des années 2000, des chercheurs, des hackers éthiques et des associations comme Verifier Voting ou Free Speech for People se penchent sérieusement sur ces systèmes. Ils publient des audits, des analyses, des recommandations. En face, des agences comme CISA, la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, et le NIST, le National Institute of Standards and Technology, produisent leurs propres rapports. Parfois, ces textes sont très critiques et listent des failles précises. Parfois, ils se montrent rassurants sur un point essentiel, ces agences ne voient pas de preuves publiques d'une manipulation massive des résultats dans les grandes élections récentes. Cette tension permanente entre vulnérabilité réelle et absence de preuve d'une fraude avérée crée un terrain idéal pour la méfiance. Comprendre les failles, c'est entrer dans le détail. Un test de sécurité commandé par l'État de Californie sur certains systèmes de la société ES&S, Election System and Software, a par exemple mis au jour des failles sérieuses. Des experts ont montré que des attaquants pouvaient modifier ou perturber des résultats si les protections physiques et organisationnelles restaient insuffisantes. Cette étude circule aujourd'hui en version publique et sert de référence dans de nombreux débats sur la sécurité des machines. Un problème majeur revient souvent, les machines dites sans papier. Dans ces systèmes, la machine enregistre le vote dans sa mémoire et affiche un total, mais l'électeur ne produit aucun bulletin papier vérifiable. Si un logiciel malveillant modifie les chiffres, il peut montrer un écran parfaitement cohérent tout en changeant discrètement les résultats internes. Sans trace indépendante, un recomptage devient presque impossible. C'est pour cela que des organisations comme le Brennan Center for Justice réclament depuis des années des machines avec bulletin papier vérifiable par le votant, associées à des audits post-électoraux robustes. Au-delà de ce point, les spécialistes évoquent aussi des risques moins visibles, chaînes d'approvisionnement pas toujours bien contrôlées, réseaux mal segmentés, mise à jour de firmware mal encadrée, clés d'administration trop faciles à copier. Des travaux regroupés dans des ouvrages comme Practical Attack on Real World Voting montrent comment de petites erreurs techniques ou humaines peuvent ouvrir la voie à des attaques efficaces, même sans scénario hollywoodien. Dans ce paysage, le rôle des audits devient central. Même avec un bulletin papier, si aucune autorité indépendante ne vérifie un échantillon de bureau ou ne réalise un audit statistique sérieux, une partie de la protection disparaît. Des rapports comme Don't Just Trust, Always Verify insistent justement sur ce point, la sécurité des élections repose autant sur la technologie que sur la capacité à contrôler ce qui s'est passé après le vote. Face à ces constats, que disent les institutions officielles? Là encore, il faut quitter les slogans pour lire les textes. En 2022, CIS a publié un avis sur certains systèmes de la société Dominion. L'agence y reconnaît des vulnérabilités techniques dans des contextes précis. Elle explique aussi qu'elle n'a pas trouvé d'indices montrant que ces failles ont été exploitées pour modifier des résultats. Autrement dit, les machines ne sont pas invincibles, mais cet avis ne valide pas les récits de fraude généralisés. De son côté, NIST élabore des profils de cybersécurité pour les infrastructures électorales. Dans ces documents, l'Institut liste les menaces à prendre en compte, attaques logicielles, sabotage physique, intrusion réseau, campagne de désinformation. Il ne prétend jamais que le risque zéro existe. Au contraire, il propose des méthodes pour le réduire et rappelle que des adversaires étatiques peuvent cibler ce type de système. Ces deux approches finissent par se rejoindre. Elles montrent que les machines à voter possèdent des faiblesses, qu'il faut les renforcer, ajouter du papier, réaliser des audits. Elle rappelle aussi qu'aucune enquête officielle n'a confirmé l'idée d'un trucage global des élections récentes par ces machines. Cela ne signifie pas que tout va bien. Cela signifie que les accusations les plus spectaculaires ne résistent pas aux procédures et aux preuves disponibles. Si le débat s'est autant structuré, c'est aussi grâce à quelques figures clés. Harry Hursti, par exemple, devient célèbre avec ce que beaucoup appellent le Hursti Hack. Il démontre, dans les années 2000, comment des machines Diebold peuvent être manipulées via une simple carte mémoire, sans laisser de traces évidentes. Cette démonstration, filmée et étudiée, ne prouve pas une fraude passée, mais elle montre que la fraude serait techniquement possible dans certaines conditions. Cela change complètement la manière dont on regarde ces dispositifs. Un autre nom compte beaucoup, J. Alex Alderman, professeur à l'Université du Michigan. Il consacre une grande partie de son travail à analyser des systèmes électoraux réels. Dans un témoignage détaillé devant le Sénat américain, il explique comment des failles peuvent permettre à un attaquant motivé d'altérer des résultats dans des contextes précis. Son université a même publié un résumé grand public de ses découvertes, sous le titre « Four Election Vulnerability Uncovered by a Michigan Engineer ». Là encore, il ne se contente pas de théorie. Il montre des scénarios concrets, avec du code, du matériel et des preuves de concept. À côté de ses chercheurs, des militantes comme Bev Harris, à l'origine du projet Black Box Voting, jouent un rôle de vigie. Elles collectent des documents, des contrats, des appels d'offres, des schémas d'architecture. Elles mettent en lumière la dépendance des États à des systèmes qu'ils ne contrôlent pas complètement. Leur travail ne remplace pas les audits techniques, mais ils donnent du contexte, notamment sur les décisions politiques et commerciales qui entourent ces machines. Plusieurs dossiers concrets ont fait basculer le débat dans le grand public. Dans les années 2000, l'affaire Diebold marque un tournant. Les failles mises au jour, les documents internes, les démonstrations comme celle de Hursti poussent de nombreux États à abandonner certaines machines purement électroniques. De plus en plus de bureaux reviennent à une combinaison machine plus bulletin papier. Un article de Marketplace, par exemple, montre que de nombreux comtés s'éloignent progressivement des systèmes entièrement à perles pour limiter le risque. Plus récemment, le nom Dominion s'est imposé dans les esprits. Après l'élection présidentielle de 2020, cette entreprise devient la cible d'accusations très fortes dans certains médias. Dans le même temps, des chercheurs comme J. Alex Alderman publient des analyses sérieuses sur un système particulier, appelé Image Cast-X. Un billet détaillé du centre CITP de Princeton explique que ce type de machine présente des vulnérabilités, notamment dans l'usage de code-barres que l'électeur ne peut pas lire lui-même. Ce travail pointe des failles réelles et propose des pistes pour réduire le risque. En parallèle, certaines chaînes de télévision relaient des accusations très générales contre Dominion, souvent sans preuves vérifiables. La situation débouche sur un procès en diffamation très médiatisé. Dominion poursuit Fox News. L'affaire se termine par un accord à l'amiable de 787 millions de dollars. Des médias comme PBS ou NPR rappellent que ce procès n'a pas pour objet d'évaluer la sécurité globale des machines, mais la vérité ou non de certaines affirmations spécifiques diffusées à l'antenne. Les documents de la procédure montrent que beaucoup de déclarations n'avaient aucun support factuel solide. Là encore, la nuance importe, ce n'est pas parce qu'un système présente des failles qu'on peut affirmer n'importe quoi sur chaque élection. La Géorgie illustre particulièrement bien ce mélange de questions techniques et de tensions politiques. L'État utilise des systèmes Dominion avec bulletin papier. Des experts montrent que certaines attaques restent possibles si des attaquants obtiennent un accès physique ou privilégié au matériel. En même temps, les autorités électorales expliquent qu'elles n'ont pas constaté de manipulation de résultats et qu'elles renforcent leurs procédures. Des affaires comme la copie non autorisée de logiciels électoraux dans le comté de Coffee ajoutent une couche de complexité. Elle montre que des acteurs locaux peuvent, parfois, prendre des initiatives dangereuses, même sans complot national coordonné. Avec tout cela, il devient vital de séparer ce qui est prouvé de ce qui ne l'est pas. D'un côté, il existe des vulnérabilités documentées dans des rapports publics. Des tests commandés par des États, des analyses universitaires, des avis de CISA et de NIST montrent clairement des failles. Certaines machines ont été retirées ou mises à jour pour cette raison. Des experts recommandent des bulletins papier vérifiables, des audits systématiques, des procédures de sécurité plus strictes. Ce sont des faits écrits, signés, archivés. De l'autre côté, Certaines affirmations très spectaculaires sur des fraudes massives restent sans preuves solides. Des tribunaux américains ont rejeté la plupart des recours portant sur l'élection 2020. Des agences de sécurité ont publié des communiqués expliquant qu'elles ne voyaient pas de signes de manipulation généralisée des résultats. Quand des médias ont avancé des histoires très précises sans les étayer, ils se sont exposés à des procès coûteux, comme on l'a vu avec l'affaire Dominion contre Fox. Cette distinction n'efface pas les risques. Elle ne signifie pas que les machines à voter sont sûres par défaut. Elle rappelle simplement une chose, on ne peut pas remplacer les archives, les rapports et les décisions de justice par des rumeurs ou des impressions. Pour un site comme conspiract.com, cette différence est essentielle. L'objectif n'est pas de répéter un discours officiel ni d'enracer n'importe quelle accusation. Il consiste à explorer ce que disent vraiment les documents, les expertises, les procès, et à laisser chacun mesurer ce que cela implique pour la démocratie. Enfin, cette histoire dépasse de loin les États-Unis. Dans beaucoup de pays, des responsables politiques observent ces débats avant de décider s'ils veulent, eux aussi, introduire plus de votes électroniques. Les rapports du Brennan Center, de Vérifier Voting ou d'autres organisations servent déjà de base de réflexion bien au-delà des frontières américaines. En France, le débat sur les machines à voter et sur le vote par Internet existe depuis des années. Les leçons américaines posent une question simple, un système de vote doit être sécurisé, mais aussi vérifiable par des méthodes que les citoyens peuvent comprendre. Sinon, la moindre zone d'ombre nourrit le soupçon, qu'il soit justifié ou non. En écoutant cette histoire des machines à voter américaines et des failles révélées par les experts, on ne se retrouve pas seulement face à des lignes de code ou à des cartes électroniques. On touche à quelque chose de plus profond, la façon dont une société accepte, ou non, de déléguer le cœur de sa démocratie à des dispositifs techniques et à des entreprises privées. Et c'est justement là que la réflexion commence, bien au-delà des frontières et des clivages partisans.